La Maison de l'Astronomie, le monde de l'observation, vous présente les podcasts de Ciel et Espace. Retrouvez toutes nos références en astronomie, nature et globe terrestre sur maison-astronomie.com. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, deuxième partie de notre reportage consacré au plus vénérable observatoire astronomique du monde, l'Observatoire de Paris, fondé en 1667 sous le règne de Louis XIV et qui fonctionne sans interruption depuis cette date. L'astronome James Lequeux, qui vient de co-diriger chez Gallimard un ouvrage collectif intitulé « L'Observatoire de Paris, 350 ans de science », nous a reçus dans les plus belles salles de ce lieu magique. Dans cette deuxième émission d'une série de trois, nous évoquons l'introduction de la physique à l'observatoire, l'implacable Urbain Le Verrier ou le projet pharaonique de la carte du ciel. Rendez-vous immédiatement dans la grande galerie. James Lequeux, nous sommes donc dans la grande galerie de cet observatoire de Paris. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu assez magique ? Eh bien, cette galerie, elle se trouve juste en dessous de la salle Cassini où nous étions précédemment. Les murs sont du XVIIe siècle, mais toute la décoration intérieure est du typique du milieu du XIXe. En réalité, elle a été transformée du temps de Le Verrier en bibliothèque, et il y a des boiseries tout autour, et ces boiseries comportent des glaces devant, et on mettait des livres derrière. Il y en a encore, mais la bibliothèque est tellement grande maintenant qu'il y a des livres absolument partout, et pas seulement dans ces armoires. Alors on remarque juste en entrant sur la gauche un buste de Jean-Dominique Cassini, donc le fondateur. Une statue en pied de Jean-Dominique en empereur romain qui date de 1810. Vous voyez, donc on se souvenait encore très bien de Jean-Dominique Cassini, du premier Cassini, en 1810. Et il y a aussi des bustes de ses successeurs. Il y a un autre buste de Jean-Dominique Cassini. Et puis à côté, il y a un buste de Cassini de Thury, le numéro 3, celui qui a fait la fameuse carte de Cassini, dont on voit d'ailleurs un exemplaire en face. De magnifiques instruments, aussi un quart de cercle assez impressionnant. De James Bird, John Bird. Alors ça, c'était des instruments anglais qui étaient très prisés en France à la fin du XVIIIe siècle, et ils avaient été achetés l'un par Le Monnier et l'autre se trouvait à l'observatoire de l'école militaire. C'est seulement après qu'ils ont été transportés à l'observatoire de Paris. Ils n'y étaient pas à l'origine. Alors James Lequeux, dans cette magnifique salle, j'aimerais que nous évoquions maintenant le 19e siècle à l'Observatoire de Paris. Et en particulier, nous pourrions commencer par la figure d'Arago, qui a vraiment marqué l'Observatoire dans la première moitié du 19e siècle. Alors Arago, en quelle année rejoint-il l'établissement et quel âge a-t-il ? Arago arrive très tôt à l'Observatoire. Il était encore un tout jeune homme. Il avait été repéré par Laplace comme quelqu'un de très brillant. Et Laplace s'était débrouillé pendant qu'il était encore à l'école polytechnique pour lui avoir un poste de bibliothécaire à l'Observatoire. Et il n'a finalement jamais quitté l'Observatoire, sauf lors de son expédition extraordinaire pour mesurer un morceau de méridien entre Barcelone et les îles Baléares. Alors, Arago n'a jamais été directeur. Il n'a jamais eu le titre parce que l'Observatoire dépendait, depuis la Convention, du Bureau des Longitudes. Et le Bureau des Longitudes, c'était un ensemble de savants où il y avait un peu de tout, des astronomes, des navigateurs, des fabricants d'instruments scientifiques. Et ce Bureau des Longitudes tenait à ses prérogatives. C'est lui qui voulait diriger l'Observatoire. En réalité, Arago en faisait aussi partie et il avait quand même les coups des franches. Enfin, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Alors, on a vu qu'au XVIIIe siècle, l'Observatoire a beaucoup contribué à la géodésie, à la cartographie. Arago, au début de sa carrière, il en fait aussi. Ah bah, il commence aussi, comme ça. Il en fait aussi. Il a donc été envoyé avec Biot en Espagne pour mesurer un morceau de méridien entre donc Barcelone et les îles Baléares. C'était la prolongation du méridien de Paris. Il s'est d'abord arrêté. Les mesures se sont d'abord arrêtées à Perpignan, puis ensuite on est allé jusqu'à Barcelone, et donc ils étaient chargés de prolonger encore. Alors, en fait, c'est Arago qui a presque tout fait tout seul, parce que Biot est reparti, et ça a été dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'il y avait la guerre entre la France et l'Espagne. Heureusement, lui, il parlait catalan, et c'était sa langue maternelle, et il a réussi à s'en tirer, et il a eu son voyage a été quelque chose d'extraordinaire, capturé par les pirates, poussé par les vents en Algérie alors qu'il allait aborder à Marseille. C'est une histoire de fou dont il s'est glorieusement tiré en conservant ses notes et ses instruments, ce qui est assez méritoire. Et quand il est arrivé à Paris, il était tellement célèbre qu'il a été immédiatement élu à l'Académie des sciences à l'âge de 23 ans. C'est un des deux plus jeunes académiciens qui ait jamais existé. On est à quelle époque à peu près à ce là, on est en 1910. C'est en 1911 qu'il a fait vraiment ses grandes découvertes. Donc 1811, il introduit, dit-on, l'astrophysique finalement. Il introduit l'astrophysique car il est le premier à avoir pu affirmer quelque chose sur la nature de la surface du Soleil. Il a montré que la surface du Soleil ne pouvait être ni un solide, ni un liquide incandescent, mais que c'était un gaz très chaud. Et c'est vraiment la première fois où on a pu dire quelque chose sur la nature d'un objet autre que la Terre. Arago a eu une empreinte assez importante sur l'astronomie à cette époque-là. Il y a aussi des travaux de photométrie importants qu'il a fait. Il a fait toutes sortes de choses. Il a fait de la photométrie. Mais peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est que l'observatoire était un lieu de rencontre des grands physiciens de l'époque. Fresnel a été découvert en quelque sorte par Arago. Arago l'a invité à l'observatoire. Ils ont travaillé ensemble. Il a fait plusieurs expériences. Et c'est là qu'il a conçu la théorie ondulatoire de la lumière, Fresnel. Et il a aussi travaillé sur les phares. Ils ont travaillé tous les deux, d'ailleurs, sur les phares. Et on conserve la première lentille de Fresnel, la première lentille de phare de Fresnel. Hein, le prototype est ici à l'observatoire. J'ai lu aussi dans le livre que vous avez co-dirigé sur l'Observatoire de Paris chez Gallimard qu'il avait aussi photographié l'éclipse de 1839. Alors, on n'a pas retrouvé la photo, mais on est sûr qu'elle a existé. Cette photographie qu'il aurait fait avec Daguerre, serait la première photographie astronomique réussie. Malheureusement, elle est perdue. Elle était encore là à la fin du 19e siècle, mais on ne l'a pas retrouvée. Comme vous dites là, c'est à la bibliothèque de l'Observatoire ? À la bibliothèque de l'Observatoire, l'amiral Mouchet, qui a bien inspecté les collections, l'avait encore vue, mais depuis ce temps-là, elle a malheureusement disparu. Peut-être qu'on la retrouvera un jour sous un tas de livres. Alors, on a vu que la physique et l'astrophysique prenaient son envol. Au niveau de l'astronomie, disons, observationnelle, qu'est-ce qui se fait à cette époque-là, sous l'impulsion d'Arago ? Est-ce que l'astronomie a voix au chapitre d'une certaine manière à l'observatoire ? Ah oui, l'astronomie classique est encore, c'est le pain quotidien des astronomes. On mesure la position des étoiles, on mesure la position des planètes, on calcule la trajectoire des planètes en utilisant les lois de Newton. Donc c'est le pain quotidien de l'astronome. Arago aurait voulu en faire un peu plus, s'occuper des étoiles doubles pour lesquelles Herschel avait découvert que certaines étoiles doubles tournent l'une autour de l'autre, et ça avait été déjà bien exploité par Wilhelm Struve à Pulkovo, à l'observatoire qui se trouve près de Saint-Pétersbourg, et parce que Struve avait une belle lunette qui lui permettait de faire ça, et Arago aurait bien voulu en faire autant, et c'est pour ça notamment qu'il a fait construire une superbe coupole qui se trouve toujours sur le toit de l'observatoire et qu'il a commencé à faire construire une grande lunette qui se trouve à l'intérieur. Arago, à cette époque-là aussi, rend l'astronomie, disons, populaire. Il donne des cours qui sont très courus et ces cours ont lieu ici, dans l'observatoire. Alors, ils ont eu lieu un peu partout avant. Ils attiraient des foules nombreuses. Toute l'intelligentsia de l'époque, Victor Hugo, Georges Sand, Liszt, Chopin, tous ces gens-là venaient assister au cours d'Arago, qui était certainement très clair et facile à comprendre. Et ça avait un tel succès qu'il a cherché des salles et finalement il s'est résolu à faire construire dans l'observatoire un amphithéâtre magnifique de 800 places. Il ne reste malheureusement presque plus rien de l'observatoire, seulement quelques éléments de décoration. Est-ce qu'on peut dire que finalement Arago a impulsé une nouvelle dynamique à l'astronomie en France au début du 19e siècle ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il a vraiment essayé d'impulser l'astrophysique, c'est-à-dire l'étude physique des astres, pas seulement la mesure de leur position. Mais comme ça n'intéressait pas son successeur, Le Verrier, cette partie de l'astronomie est tombée en décrépitude pendant plusieurs dizaines d'années, en fait. Alors justement, venons-en à Le Verrier. Donc Le Verrier est le successeur d'Arago. C'est une forte personnalité qui va faire une entrée fracassante, peut-on dire, à l'Observatoire. Il était déjà célèbre, Le Verrier, quand il a été nommé à l'Observatoire en 1854. Arago est mort en 1853. Et il est très célèbre parce qu'il avait découvert Neptune par le calcul. Et c'est quelque chose de magnifique. C'était un très grand scientifique. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement quelle était la problématique qu'il a résolue à cette époque-là ? Oui, alors voilà comment s'est fait la découverte de Neptune. Elle s'est faite en étudiant le mouvement d'Uranus. Alors le mouvement d'Uranus avait été étudié par Bouvard, qui était un astronome de l'Observatoire. Et Bouvard avait remarqué que Uranus se comportait pas bien, il n'avait pas l'air de bien obéir aux lois de Newton, ce qui était fort gênant, parce que Newton était vraiment le pape de l'astronomie théorique à cette époque-là. Et Bouvard a émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une autre planète située plus loin qu'Uranus qui aurait pu perturber son mouvement. Et c'est Arago s'est intéressé à ça. Il n'était pas le seul. D'ailleurs, toute l'astronomie européenne s'est intéressée à cette histoire-là. Et donc, Bessel, en Allemagne, a commencé à étudier le problème, à essayer de localiser la planète troublante. De son côté, Adams, en Angleterre, y est parvenu. Mais celui qui est arrivé le premier, c'est Le Verrier. Alors, Le Verrier a résolu le problème de façon très élégante. Mais c'est quand même une grosse affaire. On a conservé le manuscrit de Le Verrier où il y a tous ses calculs. Ça a 15 cm d'épaisseur en recto verso, papier fin, hein, et écrit très petit. C'était une énorme affaire. Donc il arrive couronné de cette immense célébrité qui a largement dépassé d'ailleurs les cercles astronomiques. Bien sûr, c'était au 19e siècle quand l'astronomie était personnifiée par Le Verrier, et pas seulement en France, dans le monde entier, quand on parlait d'astronomie, c'est le nom de Le Verrier qui venait à la bouche. Alors comment transforme-t-il, lui, l'observatoire et ses activités ? Alors il trouve que l'observatoire n'est pas en très bon état, et c'est vrai. Parce que Arago, à la fin de sa vie, était très malade. Il avait le diabète. Il était devenu aveugle et disons qu'il ne s'occupait plus très bien de l'observatoire. En plus, il avait recruté comme astronome des membres de sa famille qui n'étaient pas forcément ce qu'il y avait de mieux à l'époque, si vous voulez. Donc l'observatoire était réellement dans un état de relative décrépitude. Alors Le Verrier a redressé la barre, certainement, mais il l'a redressé d'une main de fer. C'était un dictateur né, et il a monté un système hiérarchisé qui est d'ailleurs venu le modèle de tous les observatoires français pendant un siècle. C'est assez intéressant à constater. Tous d'autres observatoires ont été créés dans les années 1870-80, et ils ont tous était construit sur le modèle de Le Verrier. Alors quand on a un dictateur éclairé et aimable, ça va, mais dans le cas de Le Verrier, ce n'était pas le cas. C'était quelqu'un d'extrêmement désagréable. Il était tellement désagréable que les gens démissionnaient facilement. Il y a eu, en 13 ans, 63 départs de l'observatoire volontaires ou des gens qui ont été limogés par Le Verrier, si vous voulez. Donc c'était vraiment un dictateur. Et ceux qui restaient, que faisaient-ils ? Est-ce que donc vous avez dit que l'astrophysique avait été quelque peu abandonnée par Le Verrier ? C'est pour se recentrer sur quoi ? Sur la mécanique céleste ? La seule chose qui l'intéressait, c'est la mécanique céleste. Et pour ça, il avait besoin de mesures de position des planètes. Donc c'est ce qu'on a fait pendant l'observatoire. Mais il y a eu quand même des petits travaux qui ont été faits en perruque. Et notamment, messieurs Wolf et Rayet ont découvert une nouvelle classe d'étoiles qui sont les étoiles de Wolf-Rayet. Ce sont les seules étoiles qui ont des rayons d'émission. Toutes les autres ont des rayons d'absorption. Hein. Des étoiles en fin de vie, on peut dire. Des étoiles en fin de vie, c'est des étoiles, mais on ne le savait pas à l'époque. On ne savait pas du tout ce que c'était, mais ils étaient une curiosité. Et c'est la seule découverte, disons, de nature astrophysique importante qui a été faite sous le règne de Le Verrier. Alors, on apprend aussi dans votre ouvrage que la météo a pris son envol d'une certaine manière à l'Observatoire de Paris aussi. Alors ça, c'est une histoire amusante, effectivement. Le Verrier est en quelque sorte le créateur de la météo moderne. Rien ne le prédisposait à ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que les astronomes s'occupaient vaguement de météo depuis les débuts. Ils tenaient des registres où on notait tous les jours la température, la pression, le vent, etc. Mais on n'en faisait rien. C'était publié à la fin du mois et on n'en faisait rien. Et ce qui a déclenché l'affaire, c'est une tempête qui a eu lieu sur la mer Noire en 1854 et qui a fait sombrer un certain nombre de vaisseaux français qui se trouvaient faire le siège de Sébastopol. C'était pendant la guerre de Crimée. Alors Napoléon III s'est beaucoup ému de cette chose et il a demandé à Le Verrier, un peu à tout hasard, mais il était très bien avec Le Verrier, il lui a demandé si par hasard on n'aurait pas pu prévoir l'arrivée de cette tempête. Alors Le Verrier a envoyé un émissaire, Emmanuel Liet, pour recueillir des informations un peu partout en Europe, et Liet a découvert que la dépression qui donnait cette tempête s'était déplacée plusieurs jours depuis la France jusqu'à la Crimée, et Le Verrier a pensé que en utilisant le télégraphe électrique, on pourrait suivre le déplacement d'une dépression comme ça, grâce à des relevés météo faits un peu partout, et on aurait pu prévoir la tempête. Et ça a été le commencement de l'histoire. Et Le Verrier a réalisé un système météorologique européen, d'abord français, puis européen, extrêmement efficace. Tous les jours, il recevait d'un peu partout en Europe des informations météo à la même heure. On réunissait tout ça, on dressait une carte qui ressemble beaucoup aux cartes météo actuelles, avec des isobars, des lignes d'égale pression, la température, le vent, etc. Et on pouvait, à partir de ça, faire des prévisions qui étaient rudimentaires, mais c'était quand même des prévisions. Les premières prévisions ont été faites par Le Verrier. Donc on voit bien que Le Verrier a eu, enfin le passage de Le Verrier a eu quand même des conséquences heureuses finalement, et pas seulement sur l'astronomie. Quand il meurt, il a passé plus de 20 ans à la tête de l'observatoire. Oui. Qui lui succède ? Alors c'est l'amiral Mouchet qui était un marin mais qui connaissait bien l'astronomie et qui déjà donnait des cours d'astronomie aux marins. Dans un lieu qui est celui que vous occupez à l'heure actuelle, c'est-à-dire le lieu où se trouve Ciel Espace. En effet, donc, les bâtiments existent toujours. Les bâtiments existent toujours. Et donc l'amiral Mouchet était assez... Il était tout désigné pour succéder à Le Verrier. C'était quelqu'un de beaucoup plus aimable et, disons, son règne s'est très bien passé. Il s'entendait très bien avec le personnel de l'observatoire. Il y a eu plusieurs changements sous son règne. L'observatoire de Meudon né à cette époque-là. L'observatoire de Meudon est né totalement indépendamment. Alors, comme il n'y avait plus d'astrophysique en France sous Le Verrier, un astronome amateur qui s'appelait Jules Janssen, qui était assez fortuné mais surtout très bien introduit dans les milieux politiques, a décidé de se faire un observatoire d'astrophysique privé. Ça s'appelait l'astronomie physique à l'époque. Et ça s'est fait complètement indépendamment de l'Observatoire de Paris. Le lieu est Meudon. Et Janssen a réussi à avoir là une très grande lunette, qui est une des plus grandes du monde à l'heure actuelle, qui est actuellement en cours de restauration. Et les deux institutions ont marché en parallèle, l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Meudon, marché en parallèle jusqu'à 1826, où elles se sont réunies, ce qui était assez logique finalement. Donc maintenant, l'Observatoire de Paris a deux sites parisiens qui sont le centre de Paris et l'observatoire de Meudon, et puis il s'y est ajouté en 1954 un troisième site qui est la station de radioastronomie de Nancy dans le Cher. L'amiral Mouchet place aussi finalement l'observatoire au centre du monde avec un projet gigantesque, c'est la carte du ciel qui est lancée je crois à son époque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Quel était l'objectif de cette carte du ciel? La carte du ciel est née avec la photographie astronomique. Bon, la photographie est plus ancienne quand même. On parlait tout à l'heure de la première photographie astronomique qui date de 1839, mais elle s'était considérablement développée, et puis on avait maintenant des procédés qui ressemblent aux procédés qu'on avait il n'y a pas très longtemps, négatif sur plaque de verre et positif sur papier. Donc la photographie était déjà bien développée, et Mouchez, avec des collègues étrangers d'ailleurs, a eu l'idée d'appliquer la photographie à l'astronomie de façon systématique et de faire une carte complète de tout le ciel sur des plaques photographiques. Alors on a construit à cet effet un certain nombre d'instruments spécialisés. Ce sont des lunettes doubles où vous avez une lunette visuelle qui vous permet de guider, de voir l'endroit du ciel qu'on observe et de guider la lunette, et puis un objectif photographique en parallèle qui donne la photo de cet endroit-là sur des plaques photo. Alors c'était une entreprise gigantesque, il y a eu de nombreux télescopes de ce genre qui ont été distribués un peu partout. En France, il y en avait à Paris, il y en avait à Bordeaux, il y en avait à Alger aussi, parce que Alger faisait en quelque sorte partie de la France à l'époque, mais il y en a eu un peu partout dans le monde, par ailleurs, et cette entreprise était tellement énorme que finalement elle n'a jamais été terminée. Elle a duré pendant près d'un siècle et elle n'a jamais été terminée. Alors le but était de prendre des photos à différentes époques et de voir si le déplacement éventuel des étoiles et aussi leur variation d'éclat. On cherchait les deux, on cherchait à découvrir des étoiles variables et à mesurer des mouvements propres, c'est-à-dire le déplacement de certaines étoiles dans le ciel. Alors ça n'a pas été fait jusqu'à une époque récente, où on a remesuré des plaques anciennes, comparé aux mesures récentes, en particulier celles d'Hipparcos, et on a enfin les clichés de la carte du ciel. Le satellite Hipparcos de l'Agence spatiale européenne. C'est ça, le satellite Hipparcos qui fait des mesures extrêmement précises, mais limitées dans le temps. Alors en comparant avec des observations faites 100 ans plus tôt, on a pu déterminer un assez grand nombre de mouvements propres nouveaux et puis voir découvrir des étoiles variables nouvelles. Alors cependant, ce projet de la carte du ciel est parfois montré du doigt finalement comme un espèce de gouffre qui a absorbé beaucoup des compétences et du temps des astronomes. Est-ce que le début de la décadence de l'astronomie française au début du XXe siècle n'est pas lié quand même à cette histoire? Oui, il y a une sorte de décadence qui est liée en quelque à cette histoire, parce que ça absorbait tous les moyens, et puis on commençait à se désespérer, le moral était bas parce qu'on commençait à se désespérer, on voyait qu'on n'y arriverait jamais, si vous voulez. Il a été question d'abandonner la carte du ciel plusieurs fois, elle n'a jamais été finalement, mais il a été question plusieurs fois de l'abandonner, donc le moral était bas, et puis surtout on faisait pas grand-chose d'autre. Alors la seule chose qui soit vraiment bien développée au début du XXe siècle, c'est la mesure du temps. Mais ça, on va peut-être en parler plus tard. Dans une prochaine émission. 350 ans de science à l'Observatoire de Paris, épisode 2 sur 3. Une série de podcasts présentés par David Fossé et réalisés par Xavier Raymond, à retrouver sur cielespaceradio.fr. À bientôt pour la prochaine émission.